Exercice 7, page 128. A. J'habite près d'un bar. B. Il passe par Strasbourg. C. Je rentre pour décembre. D. J'y vis depuis novembre. E. C'est proche de Grenoble.